Verseau. C'est Véro. Le mystère des légendes, je te vois pas pantoute. Hein? Quelqu'un a une machette. Je savais pas qui j'interviewais. Ah, mais c'est monsieur quand? C'est des noms qui sont là. Quelqu'un a une machette dans la salle. Le mystère des légendes, c'est quoi une légende pour commencer à en définir si c'est mystérieux? Légende, c'est quelqu'un qui s'est relié au mariage. T'as les brus, t'as les gendres. D'où viennent les légendes? Les gendres, je sais d'où ils viennent, mais les légendes. Les légendes. C'est une longue histoire, c'est... C'est une légende? C'est ça, oui. Les légendes, ça vient de où? C'est qu'à un moment donné, sur la Terre, il y a de cela quelques années, un peu partout sur la planète, il y avait un phénomène qui s'appelait vérité et qui se promenait à travers tous les peuples, à travers les temps. Et la vérité était toute nue. Et alors, elle entrait dans les villages, elle entrait dans les villes. Et lorsque les gens voyaient la vérité toute nue arriver vers eux, ils la rejetaient. Ils lançaient des pierres. Et la vérité était continuellement repoussée, continuellement rejetée. Elle était bafouée, elle était détestée, elle était haïe, elle était maudite. Marie-Madeleine. Et elle, finalement, elle s'est ramassée en plein désert, elle s'est ramassée dans certaines forêts, et puis totalement rejetée de l'humanité, la vérité a commencé à dépérir. Mais à un moment donné, elle a rencontré un personnage qui s'appelait Parabole. Et le personnage lui-même a demandé à la vérité, « Qu'est-ce que t'as à être si malheureuse, à être si abîmée? » Et la vérité a répondu, « Ben, c'est partout où je vais sur la planète, partout où les vents me poussent, eh bien, là, chaque fois que je rencontre des êtres humains, je me fais couper en morceaux, je me fais tapocher, je me fais bafouer, puis finalement, ben, je me retrouve toujours seul. J'arrive pas à comprendre l'humain. » Or, la parabole répond à la vérité, eh bien, c'est simplement parce que l'humain n'est pas encore suffisamment apte à te recevoir tel que tu es. Il n'a pas les bons yeux pour te voir. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu prennes quelques-uns de mes vêtements, des vêtements de couleur, et que tu les portes. Alors, la parabole a commencé à ôter quelques vêtements, elle les a mis sur le dos de la vérité. Et la vérité a changé aussi de nom, parce que vérité... Bon, alors, et voilà, elle s'est appelée légende. Et à partir de ce temps-là, la vérité, couvert sous les vêtements de la parabole et se faisant appeler légende, eh bien, partout où elle va, elle est bien accueillie, elle est bien reçue. Tous les gens l'aiment, tous les gens en parlent, tous les gens l'invitent. Autour d'un feu, elle est la bienvenue. Les soirs, autour d'un salon, de temps en temps, légende, vérité, très bienvenue. On en a fait des livres, on en a fait des films. Et depuis ce temps-là, eh bien, la légende existe. Mais on ne la prend pas au sérieux parce qu'elle est habillée? Parce qu'elle est habillée sous couvert des vêtements de parabole. On ne la prend pas au sérieux, mais pourtant, on la répète depuis des milliers d'années. Oui. Les légendes persistent et continuent. À cause de son esthétisme, à cause de sa beauté. C'est comme les cartes du tarot. Les cartes du tarot, c'est l'ancêtre des jeux de cartes qu'on s'en a pris pour jouer. Et les gens, ne sachant pas ce que c'était, ils ont pris 22 arcanes, les 22 arcanes principales qu'ils ne comprenaient pas, les ont mis de côté, et ils ont inventé des jeux avec le reste du tarot. Mais à travers les époques, à travers le jeu, les messages subliminaux, les messages ésotériques qui avaient été placés à travers les dessins même des cartes sont restés. Et aujourd'hui, certaines personnes qui, soit qu'ils procèdent de réincarnation, donc se rappellent ce qu'ils ont connu ou ce qu'ils ont écrit, soit simplement par intuition, contact avec des mémoires, finissent par retrouver ce qui était caché. Alors, dans la légende, on a la même chose. Il y a des légendes qui ont été placées là uniquement pour permettre à des êtres humains, dans les années à venir, de pouvoir se rappeler ce qu'ils sont uniquement en ayant des affinités avec des légendes. Il y a toujours eu des êtres intelligents qui sont venus sur la planète Terre. On peut parler de forces melchisédiennes et melchisédek, des catalyseurs de l'évolution, qui, eux, vont engendrer des prophéties. C'est-à-dire qu'ils vont instruire l'humanité de légendes à venir, donc de messages dans l'avenir, parce qu'à un moment donné, un être humain aura besoin dans l'avenir, pour se protéger de l'humanité, de s'associer à une prophétie, une légende à venir. Et il sera donc celui qui accomplira la prophétie, donc il sera protégé par le verbe, par la prophétie. Et on a aussi celui qui, vivant, sachant qu'à un moment donné, il devra se retrouver, ou encore avec des individus, ils devront se retrouver ensemble quelque part dans le temps, eh bien, ils vont inventer ou ils vont simplement paraboliser, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un message de vérité, ils vont le colorer de façon à ce qu'il ne puisse être altéré, et surtout, de façon à ce qu'il ne puisse être digéré au cours des temps par les humains qui ne doivent pas y avoir accès. Et les humains vont raconter l'histoire, une histoire de héros, bien souvent une légende est une histoire de héros ou d'héroïne, et dans le temps, 2, 3, 4, 100, 1000, 2000 ans plus tard, des personnages vont revenir. Et là, écoutant la légende, ils vont retrouver des affinités dans la légende. Ils vont extirper de la légende les choses qui sont nécessaires pour eux. Et ils vont être capables de se retrouver, de se reconnaître personnellement et entre eux. Donc, la légende est une... C'est un outil. C'est un outil qui permet à l'individu de cristalliser certaines choses pour qu'il puisse se retrouver. La légende, c'est toujours la cristallisation de mécaniques occultes, c'est-à-dire de mécaniques ésotériques, de mécaniques qu'on ne voit pas clairement, qui ont sous-tendu, supporté un événement. Si on parle de Jeanne d'Arc, il y a l'histoire Jeanne d'Arc et il y a la légende Jeanne d'Arc. La légende, Dieu lui a parlé. Légende. Mais la légende, elle inclut toujours la mécanique qui a sous-tendu l'événement. Pourquoi Jeanne d'Arc est-elle devenue Jeanne d'Arc? On parle de Siddhartha Gautama, qui, à un moment donné, a rencontré quatre personnages, un riche, un pauvre, un mort, etc. Et il a décidé d'abandonner son père qui était riche, d'abandonner le palais dans lequel il était venu au monde. Et le père avait tout fait pour que jamais son fils ne voie l'extérieur, parce qu'il verrait la réalité de la vie. Il voulait qu'il vive dans le faste de son palais. Et à un moment donné, il a fui. Et la légende dit, historiquement parlant, Siddhartha Gautama a fui, il est devenu le Bouddha. Celui qui s'est réveillé, c'est ce que ça veut dire. Alors, il a fui. La légende dit qu'il a fui sur le dos d'un éléphant et que les dieux ont mis leurs mains en dessous des pattes de l'éléphant pour qu'il ne fasse pas de bruit de façon à ne pas réveiller les gardiens. Mais c'est passé quelque chose quand Siddhartha Gautama a fui. Son père avait été prévu par un devin et il avait tout fait pour que jamais le fils ne puisse s'enfuir. Et il s'est enfui facilement. Les dieux l'ont aidé. Qu'est-ce que c'est les dieux si finalement dans le bouddhisme, Bouddha devient dieu? Mais n'empêche que les dieux auraient mis leurs mains en dessous des pattes d'éléphant, depuis ce temps-là, les dieux ont les mains plates et longues, et en dessous des pattes d'éléphant, pour que l'éléphant ne fasse pas de bruit. La légende, l'histoire. L'histoire du Nazaréen, légende du Nazaréen. L'histoire du Christ, légende du Christ. Bon, l'histoire de César, légende de César. L'histoire de Rome, on la connaît. Légende, Romulus et Romulus. Bon, et on en a plein comme ça. L'histoire d'Alexandre le Grand qui dit en mourant, je meurs des soins de trop de médecins. Ben, c'est ce que c'est une légende ou une histoire. Et il y a plein de choses comme ça. La légende, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une carte, c'est un tarot, c'est un tableau, c'est un message. Est-ce que les légendes ont servi dans les siècles passés à faire ce que tu dis, c'est-à-dire à rapatrier des individus qui se sont déjà connus dans un temps antérieur? Oui. Antérieur. Ou est-ce que ça commence seulement aujourd'hui à servir? Ça sert aujourd'hui un peu plus que dans le passé, mais il y a des cycles. Des cycles, les légendes deviennent vivantes. Il y a toujours eu des cycles comme ça, où dans le passé, à un moment donné, la légende prenait vie. Continue à parler, je vais aller... C'est ça, oui, c'est ce que je pensais, tu vas aller... Continue à parler. C'est toi qui as posé la question, je t'écoute pas. J'écoute. Pose des questions, mais ça va. On va faire franchement. Ah. Enfin, je vois ton cuir chevelu. Et moi, je vois les poils sous le nez. Bon, c'est bien. Donc, la légende, qu'est-ce qu'elle est, justement, elle a permis cycliquement elle a permis à des individus de pouvoir se reconnaître et de pouvoir aussi se réassocier. On a l'armoirie. Les armoiries familiales, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une légende. C'est une légende qui est incorporée à travers un dessin. C'est un symbole. Symbole ésotérique, qui a une puissance, qui a aussi une force. Mais à un moment donné, il y a des enfants qui ne veulent plus supporter l'armoirie des parents. Et peut-être que si elle reste quelque part, 2, 3, 4, 15 générations plus tard, l'armoirie recommence à retrouver son blason. Elle recommence à avoir de l'importance. Les sociétés, c'est la même chose. On a des vagues comme cela où, à un moment donné, le peuple ne veut plus rien savoir du nationalisme et quelques générations plus tard, le peuple est extrêmement nationaliste. Il y a donc des cycles. Et les légendes ont servi dans le passé. Il y a eu la légende, par exemple, du Graal. Mais premièrement, on a la légende qui est attachée à l'historicité de l'Arche d'Alliance. On a la légende qui est attachée à l'historicité de Longinus et de certains apôtres. On a la légende qui se rattache à Lazare. On a la légende qui se rattache à Christian Rosenkreuz, qui, à un moment donné, va fonder l'Ordre Rosicrucien. On a la légende qui se rattache au même personnage qui va fonder la franc-maçonnerie. On a les croisades. Il y a plusieurs légendes qui touchent les croisades. Mais à l'époque des croisades, on s'est servi de vieilles légendes pour relier des individus. On va refaire des légendes pour les relier plus tard. À l'époque de Robin des Bois, Richard Cœur de Lion, légende et histoire. Et continuellement comme ça, on en a. La légende de l'Arche d'Alliance, j'aimerais ça que tu nous la... Celle d'Indiana Jones? Bon, celle que tu voudras. Le rapport entre l'Arche d'Alliance et le Graal, ça part d'où? Mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre le Graal et l'Arche d'Alliance? Dans la légende ou dans la réalité? Dans la réalité comme telle, il n'y en a pas. Il y en a un à cause de l'humain. L'Arche d'Alliance est un contact entre des forces extraterrestres, même si on peut appeler ça Dieu, si vous voulez. Dieu n'est pas né de la planète Terre, donc il est extraterrestre. Et c'est une alliance entre des forces extraterrestres et certains scientifiques humains pour leur permettre d'engendrer de l'électricité. Et ça servait, au niveau de l'électromagnétisme, à faire bouger des choses, ça servait à créer, ça servait à tasser, à contrôler, si la force était contrôlée convenablement. Et en même temps, ça servait surtout à faire peur, donc de protection. L'Arche d'Alliance était une alliance, une preuve d'échange communautaire entre deux nations, une nation extraterrestre et une nation terrestre, pour donner confiance aux deux peuples. C'est un peu comme si les Américains, à un moment donné, donnaient la technologie de leur nouveau bombardier, le bombardier furtif, aux Russes. C'est comme les miroirs que les Français donnent aux Indiens. Ouais, c'est, oui, c'est effectivement. Disons que du point de vue extraterrestre et humain, c'est plus juste. Mm-hmm. C'est ça. OK. C'est-à-dire donc, que effectivement, pas de rapport avec le Graal. C'est ça, non, ça n'a pas trop de rapport. Le Graal, c'est autre chose. Le Graal, c'est deux choses. Le Graal, c'est premièrement la visualisation spirituelle de l'énergie christique, l'énergie supramentale, à travers la conscience astralisée, donc la conscience psychologique de l'humain qui continuellement recherche à être sauvé. Alors lui a toujours visualisé la perfection en fonction d'égrégores et d'engrammes alchimiques. C'est-à-dire que les alchimistes confrontaient toujours le charbon au diamant. Alors ils avaient le carbone pur, le charbon, totalement noir, sale et friable, au carbone pur, le diamant, totalement translucide, extrêmement solide et incassable. Alors, on avait toujours la visualisation du diamant, donc du cristal. Et l'énergie supramentale, l'énergie que l'alchimiste recherchait, alchimie veut dire chimie de Dieu, Allah veut dire Dieu, Allah va comme je te pousse, ça c'était la femme d'un grand personnage. Alors, on a donc l'alchimie, la chimie de Dieu. L'alchimiste, il recherchait le contact avec l'esprit. L'esprit, c'est l'énergie christique, l'Esprit Saint. C'est l'énergie supramentale. La visualisation terrestre de l'énergie supramentale à l'époque était celle d'un cristal, le diamant. Et par la suite, l'homme, la femme de l'époque ont visualisé le Graal comme étant un cristal. De temps en temps, les êtres humains qui font des voyages astraux dans certaines régions voient toujours des planètes extraordinaires où l'humain est finalement un cristal, ou etc. Mais ça, c'est une vision spirituelle, une vision émotive de certaines choses. Ce n'est pas une vision cartésienne, c'est réellement une vision intuitive, mais colorée par les désirs de l'ego. Le Graal, c'est donc une énergie supramentale qui, placée dans un corps humain, devient quelque chose qui va manipuler l'âme. Relié au plan bouddhique, donc un plan d'amour gratuit, sans intentionnalité qui va causer sa naissance, ce que le Christ, enfin, ce que le Nazaréen pouvait exprimer. Le Christ étant l'énergie supramentale, Jésus étant l'être humain sans le Christ, et le Nazaréen étant Jésus-Christ. La fusion entre les deux temporaire. Lorsque Longinus envoyé par Tibère, Longinus est un soldat romain, se pointe là-bas avec une lance qui aurait été forgée, selon la légende, en même temps qu'Excalibur par le dragon. Excalibur étant une épée. Et une automobile, bon, dépendant des époques. Bon. Donc, étant une épée. La lance de Longinus, elle est faite d'argent, mélangée avec certaines particules de platine, c'est un alliage particulier, et elle est attachée à une tige d'olivier, une branche, un bois d'olivier, par du cuivre. Longinus vient, il va faire en sorte que la prophétie, la légende de l'avenir, s'accomplisse. Le Nazaréen n'aura pas les membres brisés. Alors, parce que le soleil va se coucher, en réalité parce que la terre tourne et que le soleil s'en va de bord, on ne peut conserver les crucifix sur la croix, donc on leur brise les membres pour qu'ils meurent plus rapidement. Le Nazaréen semble être mort, Longinus s'approche, perce. La personne qui est sur la croix est extrêmement investie d'énergie supramentale, que ce soit le Nazaréen, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est une personne extrêmement puissante, le prince de la justice essénienne à l'époque. Et lorsque Longinus perce la côte, ce qui sort de là est du sang mélangé à de l'eau. On sait que le sang est le vecteur conducteur de l'émotion, donc de l'âme. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah ne veulent pas qu'on fasse de transfusion sanguine, ils ont peur qu'on transfuse l'âme. Et c'est pourquoi aussi dans l'Antiquité, on mangeait le cœur de ceux qui étaient courageux ou le foie, là où il y avait du sang, et on espérait avoir leur vertu. Donc on ramassait la mémoire astrale, la mémoire de l'âme dans le sang. Lorsque cela est fait, le sang et de l'eau coulent. L'eau est un grand conducteur d'énergie vitale. Il y a à travers ce sang et cette eau le principe même de l'énergie supramentale humanisée, donc terrestrifiée. Un personnage s'approche avec une coupe, ramasse le sang, et la coupe ainsi que le sang va acquérir le pouvoir terrestrifié d'un phénomène christique, la descente de ce qu'on appelle un archange michaélien, du Nazaréen, et ça va devenir le Graal. C'est qui le personnage qui tient la coupe? C'est qui? Je sais pas, moi. Je pose les questions, moi, je donne pas la réponse. Ah, un jour, je te répondrai. OK. Mais c'est pas Longinus. Non. Non, Longinus, c'était un bon bonhomme, mais un peu bâtard à l'époque. Alors, il avait été occupé avec une main, et à poste, ça faut pas qu'il s'occupe avec l'autre main. T'es à cheval, en plus. Non. Lui, il a percé, puis il est parti. C'est ça, ouais. Il vient au Québec. Ensuite, il va aller où, Longinus? Si on veut continuer sa légende. Il vient au Québec. Avant, t'as deux coups. Ah, il retourne à Rome avec les enfants de... Selon la légende, avec les enfants de Nazaréen. Et quelques-uns de ses demi-enfants. Bon. Et puis, voilà, c'est le Graal. Là, on était sur le Graal. On parlera du Nazaréen une autre fois. Mais là, on était sur les légendes du Graal. Et puis, le Graal, finalement, eh bien, ça l'a permis à un personnage mort qui, lui, a bu à la coupe du Graal parce que Lazare a expliqué à un certain personnage de la Bible, qu'on appelle Judas, de prendre... parce que Judas ne s'est pas pendu. Il a fui. Quand on dit que Judas a trahi le Nazaréen, il ne l'a pas trahi comme on le pensait. Il l'a trahi en fonction du fait qu'il ne l'a pas vendu aux Romains. Il devait le vendre aux Romains, c'était le contrat qu'ils avaient avec le Nazaréen. Et c'est pourquoi quand les apôtres ont dit « Qui va te trahir? » Trahir est une traduction. Qui va te livrer? Autre chose. Et le Nazaréen, ben voilà, celui qui va mettre le pain dans le plat en même temps que moi, ce sera celui-là. Le Nazaréen prend un morceau de pain, le met dans le plat, puis là, il y a Judas qui prend un morceau de pain et qui le met dans le plat. Voyons donc, l'autre n'est pas assez clair de mettre son pain dans le plat, hein, si c'était pour être problématique. Le traître sera celui qui boira en même temps que moi. Tu bois, tu sais, t'es niaiseux en maudit. Non, non, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Judas a mis le pain dans le plat, tout le monde savait que c'était Judas. Juste parce que lui, il consentait à faire... Judas était le plus puissant des apôtres, et lui était le seul consentant à livrer le Nazaréen aux Romains. Mais il n'a pas été capable de le livrer aux Romains, il a livré le prince Melchisédek. C'est un terme essénien qui veut dire prince de justice. Il a livré le bonhomme qui a tout fait pour convaincre les Nazaréens de devenir le roi des Juifs. Le premier chef de la guérilla, les Zélotes. Bon. Et ça n'a pas fonctionné. Bref, Judas s'est rendu compte que finalement, il avait commis une bévue parce qu'il fallait que le Christ, du moins, passe par certaines choses. Alors, il s'est poussé. Et par la suite, il a pris le Graal, la coupe avec le sang, et il l'a amené quelque part, selon la légende, pour la faire boire à un personnage mort. Ce personnage mort s'appelle Merlin. Merlin va revenir à la vie, il n'était pas mort, il revenait à la vie, il va végéter sous terre avec le dragon. Le dragon, c'est les forces telluriques qui permettent simplement la création, en l'occurrence, de l'homme avec l'aide du soleil, c'est-à-dire qu'on a besoin de soleil, on a besoin de phénomènes terrestres. Les plantes se nourrissent à même le sol et au soleil. Les animaux herbivores trop évolués se nourrissent des plantes parce qu'ils ne sont plus en contact avec la force tellurique. Les carnivores mangent les herbivores, c'est essentiel, ne mangent pas les carnivores. Et les omnivores, l'homme, en l'occurrence, l'ours, certains singes, vont manger des carnivores et des omnivores et des herbivores. Ils vont manger des plantes aussi, ils seront végétariens eux-mêmes, etc. Il y a des légendes amérindiennes qui disent que l'ours était un homme. Bon, il y a des légendes tibétaines qui disent aussi que l'ours, le yéti, le sasquatch, l'abominable homme des neiges, le migou, était un homme. Et il y en a plusieurs légendes. Bon, ces animaux-là, le singe aussi, l'homme sans parole, pas de sang laryngé, bon, ceux-là sont omnivores. Et par la suite, Merlin retrouvera Excalibur et rencontrera un personnage très puissant qu'il a connu dans l'Antiquité, à l'époque atlantéenne, et ils vont se lier d'amitié, mais ce personnage-là est la cristallisation de l'ego humain, et c'est lui qui va engendrer, finalement, le roi Arthur. Parce que le Graal, on le perd de vue ou on perd sa trace entre le Nazaréen et les chevaliers de la table ronde. Oui, et ces légendes-là sont ce qui s'est passé dans plusieurs plans parallèles. Pendant que l'homme se bat sur... Prenons l'exemple des croisades. Parce que les dieux chrétiens, c'est-à-dire l'égrégore de la croyance chrétienne, voulaient absolument aller se canaliser sur le tombeau du Christ, bien, à un moment donné, elle va faire en sorte de convaincre l'humain d'entrer en guerre contre les musulmans, les fils de Mahomet, pour aller délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte. Les dieux se battent, l'homme se bat. Et à l'époque du Graal, c'était la même chose. Il se passe énormément d'événements sur plusieurs plans, et la légende, c'est l'explication, je le répète, d'un événement historique mélangé à ce qui, occultement, a sous-tendu l'événement. Alors, à un moment donné, on aura une terre, plusieurs rois, et un personnage dira une terre, un roi. C'est Arthur. C'est Arthur. Bon. Ce qui est arrivé, c'est que à cette époque, il y avait... la magie revenait, c'est cyclique, ça va revenir encore, c'est cyclique. Et Merlin est réapparu, Merlin est allé se chercher un fils en mélangeant des génétiques convenables, et il a volé le fils, il l'a donné à quelqu'un, un bonhomme qui était, par imprégnation, un très bon éducateur. Et à un moment donné, Arthur va retrouver Excalibur, il va l'arracher d'un enclume ou d'une pierre, dépendant des légendes, et il va devenir le roi. Ce qui est intéressant, c'est que la sœur d'Arthur, qui va devenir, elle, une grande sorcière, pourquoi? Parce qu'elle sera, elle aussi, éduquée par Merlin. Et à un moment donné, cette femme-là va rejeter son entier-homme à l'extérieur, et elle va devenir celle qui va éduquer Lancelot, et elle va devenir en même temps, dans l'entier-homme, celle qui voudra tuer Lancelot. Elle va s'en aller sur le bord d'un lac, elle va vivre sur le bord du lac, et à un moment donné, Lancelot... très très jeune, va se retrouver là, et on l'appellera Lancelot du Lac pour cela. Puis elle, c'est la fée Viviane? C'est Viviane. Sauf que celle qui est la Dame du Lac et la fée du Lac, ce n'est pas la même chose. La Dame du Lac, ce n'est pas Viviane, mais c'est Viviane. Alors que celle qui va éduquer un autre de ses fils, qui lui sera la recréation totale de l'antihomme de Lancelot, pour tuer Lancelot, et elle, c'est Viviane. Alors, on a Viviane, qui n'est pas la sorcière, qui est la mage, et on a Viviane qui est la sorcière. Parce qu'elle a rejeté son entier. Dans la légende, à un moment donné, Merlin va finir par se faire avoir par Viviane. En réalité, l'autorieux, il s'est simplement rendormi. La journée qu'il veut briser le sort, il contrôle Viviane, il se libère et il massacre Viviane. Merlin s'est rendormi et il devrait théoriquement se réveiller dans les années entre 80 et l'an 2000. Les légendes qui parlent de Merlin disent qu'il est redevenu un arbre. C'est ça. Okay. Il devrait se réveiller entre les années 80 et l'an 2000. Dans une chaise? Non, les chaises, c'est de plus en plus en plastique, c'est des polymères. Mais ça, pourquoi il y a eu un si grand laps de temps entre les deux apparitions ou les deux utilisations du Graal? Simplement parce que le Graal, le Graal n'a pas été perdu réellement. Le Graal, il est totalement cristallisé dans la foi chrétienne. La foi, je ne parle pas uniquement de la foi catholique, mais de tous ceux qui ont une obédience à Jésus-Christ ou au Christ, etc. Il y a tellement de sectes. Le Graal est caché dans l'intérieur de cela. Le Graal, c'est un phénomène qui doit être vécu. Le Nazaréen lui-même dit, un jour, vous ferez les mêmes miracles que moi, les mêmes choses que moi, et même plus. Tant que l'humain ne veut pas croire que cela peut arriver, le Graal est perdu. Bon, quand le Nazaréen dit « Aimez-vous les uns les autres et aimez même vos ennemis », on parle d'amour intelligent, on ne parle pas d'amour humain, on ne parle pas d'amour psychologique. Tant que cela n'est pas autorisé par l'ego, le Graal est perdu. Le Graal, les chevaliers de la table ronde ont fait une quête. La table ronde, on parle de légende. Ce qui est intéressant dans la mécanique, c'est qu'on sait tous que le roi Arthur, c'est une légende, Lancelot, c'est une légende, etc. Le problème, c'est qu'à table ronde, on peut la visiter en Angleterre. Elle existe. Ça, c'est parce qu'il y a des parties de légende qui ont tendance à rester dans le temps. C'est ça, c'est problématique pour les historiens. Parce qu'on ne sait pas trop où situer ça, finalement. Là. C'est mi-légende, mi-vérité, mais... Les Templiers, ils ont des légendes. La plus formidable légende des Templiers, c'est que le plus puissant des trésors des Templiers aurait été enterré au Québec. Et il est suffisamment volumineux pour pouvoir acheter la planète, aujourd'hui. Trésor des Templiers. Les Templiers, le chef des Templiers en mourant sur le bûcher, a maudit pour les 13 générations le roi de France. Et historiquement, les 13 générations étaient malades. La 14e était correcte. Ça, c'est de l'histoire. La légende dit que l'autre l'a maudit. Pourquoi ils sont tous morts? C'est des chevaliers moines. Parce qu'ils ont dit, nous, on protège le Christ. On n'est pas pour se battre contre le pape. Et ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que c'était pas le pape. C'était qui? C'était Tibère. On l'appelle Tibère dans l'ésotérisme. Oui, puis dans les... avec c'est à la fin aussi, ça s'appelait comme ça. C'est ça, c'était Tibère. Et Tibère, c'était Adolf Hitler. Et Tibère, c'est la réincarnation. C'est-à-dire Adolf Hitler, c'était la réincarnation de Tibère? Absolument. Tibère était là lorsque le Nazaréen s'est fait transpercer par Longinus. Tibère a su par la suite que c'était le Christ. Et il a maudit les Juifs de lui avoir conté des menteries, donc des mensonges, sur le phénomène. Et par la suite, il va devenir, premièrement, un des papes dangereux. Il va devenir aussi. Il y a certains évêques très proches des papes, très dangereux, et il va aussi devenir Adolf Hitler. Mais comment de rire? La légende. Bon, c'est une la légende de qui, ça? De Tibère? Pas ça. OK. Comment ils vont se rappeler ces événements-là, les comme tu parles tantôt des chevaliers de la table ronde ou Arthur ou Lancelot, ça. Comment les gens peuvent revoir, parce que tu dis que les légendes vont leur servir d'outils pour qu'ils puissent se regrouper, se retrouver. Comment ils vont le sentir, ça, qu'ils ont une présence ou qu'ils ont une appartenance quelconque à ce groupe? Combien y avait-il de chevaliers autour de la table ronde? 12, 13. Combien y avait-il de chevaliers autour de... Ça dépend des époques. Combien y avait-il de chevaliers autour du chevalier de la table ronde? De chevaliers autour de chevaliers? 12. Chacun 12. 144. 1000. 144, ouais, excuse. Pourquoi tu me poses des questions, là? C'est bon. Pour la simple raison, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que trop souvent, on n'applique pas l'évolution, on n'applique pas ce que l'on apprend, on n'applique pas ce que l'on comprend, on n'applique pas ce que l'on intuitionne, donc on n'applique pas ce que l'on perçoit, on n'applique pas ce que l'on sait. On applique ce qu'on a appris et on applique ce qui nous manipule. Et ça, c'est un problème parce que finalement, quand on dit, par exemple, que 10% de notre cerveau est utilisé et 90% du cerveau ne sert à rien, sachez aussi que 10%... Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je voulais voir si tu étais pour être content que je te donne 10. OK. Merci. 10% de ce que l'on vit est aussi juste une partie de tout ce que l'on peut vivre et de tout ce que l'on a vécu. L'être humain peut, dans sa conscience, rajouter 20, 30, 40, 50, même jusqu'à 90% plus que ce qu'il a vécu. Sauf qu'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il pense toujours que c'est uniquement un jeu de l'ego, un jeu de la conscience, un jeu du mental, un jeu de la psychologie, un jeu de l'imagination. Tout ce qui existe sur la planète est uniquement une question d'imagination. Si on aime une chose, c'est de l'imagination. Si on ne l'aime plus, cela fait encore partie de la psychologie, du domaine de l'imaginaire. Si on a des désirs, on veut devenir ceci ou cela, ou si on a peur, de l'imagination. Tout ce que l'on a créé dans la matière est à partir de ce que nous avons imaginé, de ce que nous avons perçu autrement que par les sens. On n'a pas décidé un jour de s'inventer des automobiles confortables uniquement en fonction de ce qu'on percevait avec les sens. Une fois qu'elle est inventée, les sens la découvrent confortable. Mais c'est dans la tête de l'homme, de la femme et de l'enfant que cela a débuté. Et on a trop tendance à toujours rejeter comme si cela ne pouvait être une réalité, des choses qui se passent là ou ailleurs dans notre perception, pour ne conserver dans notre conscience que ce qui se passe dans les cinq sens physiques, alors que les sens physiques sont les plus menteurs qu'il n'y a pas comme sens. Quand j'entends quelque chose, si tu me poses une question, je l'entends, mais ce que ces cordes vocales font dans l'air, l'air bouge, l'air transporte ça jusqu'à mes oreilles, c'est déjà plus ce qu'il a dit. Et lorsque mon tympan bouge, mon tympan vibre en fonction de l'air et retransmet ça par des conductions électriques. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec sa voix. Par les conductions électriques, ça va jusqu'à mon cerveau, ça va être redécodé en énergie vitale pour parvenir jusqu'à mon âme, ma conscience. Ça n'a vraiment rien à voir. J'entends un oiseau chanter, j'aime ça. Je ne connais rien du chant d'oiseau. Lorsque je touche quelque chose, je touche la table, par des cellules, c'est transmis en électricité, ça vient par le système nerveux jusqu'à mon cerveau. Qu'est-ce que je touche de la table? Qu'est-ce que je connais de la table? Foutrement rien. Mais mon imagination recrée la table. Tu as travaillé suffisamment au niveau des sciences de l'œil pour savoir que lorsque l'œil regarde, il y a des bâtonnets. Les bâtonnets amènent un paquet de visions. Je vois tout croche, un paquet de morceaux d'un paquet de choses. En plus, j'ai deux yeux pour pouvoir évaluer les distances en fonction de l'angle de mes yeux, ce qui me donne une vision tridimensionnelle. Mais tout est tout croche. Mon cerveau recrée une perfection que j'autorise, que j'accepte comme étant réelle, que de l'imaginaire. En plus, ce que je vois, c'est uniquement des ondes lumineuses qui frappent mes yeux. Je ne vous connais même pas. Et là, par le nerf optique, c'est transmis en ondes électriques, neuroniques, bioélectriques. Qu'est-ce que je connais de ce que je vois? Qu'est-ce que je connais du soleil, de l'oiseau, de l'arbre, de l'homme, de la femme ou de l'enfant? Ou de moi-même? Rien. Et ça, on appelle cela la réalité. Alors que tout ce qui ne procède pas par le corps physique, tout ce qui ne procède pas par l'air, par la lumière, par le toucher, Bref, par le corps physique, qui finalement dénature tout, tout ce qui procède par l'instantanéité, l'intelligence, l'intuition, le mental ou la pensée, il y en a là-dedans, c'est des mémoires, on comprendra que des illusions aussi. Mais tout ce qui ne procède pas par le corps physique, ça, on catalogue ça d'illusion. Et ça, c'est pas fiable. Alors, à un moment donné, il faut qu'on place un peu les choses à leur place. Bon. Quand je dis qu'on regarde des étoiles, la majorité des étoiles que l'on observe n'existent même plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont émis leur lumière depuis 2 millions d'années. Et alors, s'ils éclatent, on le saura qu'ils n'existent plus dans 2 millions d'années. Parce que la lumière continue à venir jusqu'à nos yeux, même si l'étoile n'existe plus. C'est comme si je t'arrose, j'arrête d'arroser, l'eau continue. Je t'arrose plus, je t'arrose encore. Il y a un déphasement. Alors, le ciel que l'on voit totalement faux. Mais on est capable, à partir de l'illusion céleste, de se guider, ou encore dernièrement, la NASA a placé un télescope en orbite. Ils vont observer que du passé. Mais le passé, l'illusion, la farce, on est capable, dans l'illusion, de retrouver des choses de la réalité. Si on décide de comprendre l'illusion. Quand on parle des légendes, quand on parle des perceptions, quand on parle de d'autres mondes, quand on parle de réincarnation, quand on parle de résurrection, c'est quoi la résurrection? Explique-moi c'est quoi la résurrection. C'est de renaître. La résurrection, c'est la fusion de toutes les personnalités réincarnationnelles d'un être humain réincarné en même temps dans un corps. C'est ça que j'ai dit? Oui. Tous les morts reviennent à la vie. La journée que vous allez ressusciter, c'est lorsque tout ce que vous avez été sera capable de s'entendre ensemble dans un corps. Alors, les morts reviendront à la vie. Sinon, ce sont des processus réincarnationnels, pluralitaires, qui peuvent devenir fusionnels à un moment donné. Bon, des choses qu'on voit surtout au niveau du séminaire. Mais la résurrection, c'est cela. Quand on parle de légende, la résurrection, c'est une légende. La réincarnation, c'est une légende. Mais plusieurs ici ont l'impression d'avoir déjà été... Voyons, là, si tu regardes dans le miroir, ça, c'est fiable. C'est peut-être la moins fiable des choses. C'est pourquoi l'être humain, à un moment donné, quand je dis qu'on doit faire un petit effort, replacer certaines choses à leur place, quand les enfants parlent avec des amis imaginaires, je dis imaginaire. Mais ce qu'on voit, nous, est totalement pas ça. Comme j'explique en séminaire souvent, ce qui est encore plus comique, les plantes vertes que l'être humain voit sont toutes sauf vertes. Pourquoi? Parce que la lumière, elle vient, la lumière, elle a toutes les couleurs, elle rentre dans les plantes vertes, elle est absorbée par la plante, puis il y a une seule couleur qui est rejetée par la plante, c'est le vert. Alors le vert étant rejeté, c'est ce qui arrive à nos yeux, alors on voit du vert. On dit la plante est verte. Elle est toutes les couleurs sauf le vert. Et on se fie à nos yeux. Bon, si on dit la couleur noire, ça n'a pas de couleur. Le noir, c'est l'absence de couleur, le blanc, c'est toutes les couleurs. Mais quand on voit du noir, c'est parce que justement, aucune des couleurs n'est rejetée ou que toutes les couleurs ont été intégrées? Ceux qui n'aiment pas les noirs, faites attention, écoutez bien ça, là. On est tous sauf blancs. Eh oui, on est tous noirs. C'est que ceux plus qui étaient... on rejette toutes les couleurs, on ne se voit blanc. Ceux qui étaient racistes. Les blancs sont noirs. Les noirs sont blancs. Ceux qui étaient racistes, c'est bon? Ben, ils vont continuer à se faire l'illusion. Ils vont se passer blancs, surtout que entre blanc et blanc. En tout cas. L'illusion que le corps physique amène, c'est pour lui qu'on invente les légendes. Mais pourquoi, historiquement, on n'a jamais fait confiance plus que ça aux légendes? On a fait confiance. Ceux qui ont eu de la puissance, ceux qui ont eu des grands pouvoirs, ceux qui ont évolué rapidement, ceux-là ont fait confiance à ce qu'ils étaient, ils ont fait confiance à ce que le commun des mortels appelle illusion. Parce que finalement, on fait confiance à l'intuition par rapport... C'est autant à l'intuition qu'à la légende, en fait. Oui, le mage, le sorcier, il doit faire confiance à autre chose qu'à son corps physique. Je fais juste revenir encore sur ce que de temps en temps je dis. Un jour, vous avez été un ovule et un spermatozoïde. Même pas! Vous n'étiez... Étiez-vous l'ovule ou le spermatozoïde? Oh, oui. Hein? T'as quoi, toi? Bonne question. Faudrait que je retourne loin. Faire. Faudrait que je fasse du rebirth. Pour voir lequel des deux j'étais. Ouais. Et à un moment donné, subitement, les deux cellules se touchent, commencent à se multiplier, et ça devient ce que nous sommes. Ça se peut pas. Ça, c'est stupide. La science le décrit, la science ne l'explique pas. Alors, si on peut vieillir, on peut rajeunir. Oui ou non? C'est aussi vrai. Mais parce que l'être humain rejette tout ce que le corps physique... Parce qu'on est habitué à voir les choses grandir, on se dit « c'est évident ». Parce qu'on n'est pas habitué à les voir rajeunir, on se dit « ben oui ou non ». Prenons l'exemple. Est-ce qu'on peut prendre quelques 100 000 milliards de tonnes de roches et les faire flotter dans les airs? Sans réacteur, sans quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut? On est assis dessus, là. Alors, ça flotte. Ouais. Mais on n'a pas la conscience. C'est ce que j'appelle ma verrue planétaire. C'est ça. Fais référence à la cassette de la semaine dernière. Je reviens à ma question de tantôt. Je vais revenir à ma réponse. OK. Comment les gens font? Ben, il faut se... Là, je comprends ta réponse. Il faut se fier à son intuition pour savoir si on fait partie de, d'une légende quelconque ou si on a déjà fait partie d'une légende quelconque. Mais qu'est-ce que ça donne de savoir ça? À partir bon, du moment chose, où on peut le... Il y avait le chevalier autour de la table ronde. Je t'ai répondu tantôt. Bon. Savez-vous que souvent, les individus connaissent à travers les légendes ou à travers l'histoire, mais beaucoup de parcelles de l'histoire sont légendaires. Les histoires de pirates, les légendaires. Et combien de personnes connaissent certaines légendes et connaissent, par exemple, le roi Arthur, on connaît Lancelot, on connaît Percival, on connaît certains personnages, Geneviève, on connaît des trucs dans le genre, Robin des Bois, on connaît, bon. Et combien de personnages dans les légendes on connaît? Mais il y avait des milliers de personnes incluses dans la légende du roi Arthur. À l'époque du Nazaréen, 12 apôtres. Non! 12 principaux, parce qu'ils étaient tous reliés à des faisceaux particuliers. 63 secondaires et des milliers de tertiaires. L'Église catholique ou la religion ou le message du Nazaréen ne s'est pas divulgué sans radio et sans journaux, sans livres, à travers le monde, avec 12 personnages qui finalement sont tous morts sans dessous. Il y avait d'autres personnages. Alors, à un moment donné, on se dit, j'ai l'impression que... C'est ça. Les légendes sont capables de faire revivre des milliers d'individus. La légende de l'Atlantide. L'Atlantide, elle a existé. Homère en parle. Ulysse a rencontré des géants, des cyclopes. Des géants à un œil. Bon. Puis après avoir rencontré Ulysse, il n'y a plus d'œil. Parce que l'histoire, vraiment, tu liras ça tard. Et on en parle. On parle de Poséidonis. Apparemment, la capitale finale de la race, d'une des grandes races rouges atlantéennes. On a découvert sur l'île de Pâques. La légende parle de Mu, vestige du continent lémurien. On a découvert des statues d'immenses personnages. La légende dit qu'il y a eu une guerre qui a opposé les descendants de la Lémurie, les Muviens, à une force de conquête de l'Atlantide. On dit aussi que Noé est venu au monde en Atlantide et qu'à l'époque des Atlantes, il y avait une atmosphère très dense, il n'y avait pas d'océan. À un moment donné, Noé, qui était un généticien hors pair, qui travaillait avec la génétique des animaux dans le but de créer le chat, un vecteur vital de l'être humain, et le chien, un vecteur astral, donc psychologique, il va finir par prévoir que l'atmosphère va s'effondrer. Et il va donc construire deux arches. Les deux arches, une va aller sur le mont Ararat, l'autre, qui décolle en premier, va s'écraser sur les terres de feu. Et dans la Bible, on dit que le chat est apparu dans l'arche de Noé lorsqu'un lion a éternué. Je le dis, la mort puis le sperme, c'est similaire. Bon. Mais on parle comme on parle. Voyons donc, un lion, il a pfff, il y a un chat qui sort. Il n'y a rien d'impossible. On ne sait jamais. La légende parle d'Iramabif qui naît là, qui va aider Salomon, qui revient sous le corps de Lazare, qui revient dans le phénomène du comte de Saint-Germain. Mais le comte de Saint-Germain, ça n'a jamais existé. Mais historiquement, il y a des personnages qui en parlent en maudit, dans le passé. On a même une reine puis un roi qui en parle. Et maintenant, dans le nouveau dictionnaire, il est dedans. Personnage mythique, dans les noms propres. Mais c'est des Rose-Croix peut-être maintenant qui dirigent la Rousse. Et le comte de Saint-Germain, Lazare, c'est la même chose. Christian Rosenkreuz, bref, c'est la même chose. Quand on parle de légende, comme aujourd'hui, il y a énormément, on parle de la légende atlantéenne, il y a un personnage, dernièrement, qui a écrit « Êtes-vous un Atlante? » Êtes-vous dans l'Atlante qu'un jour, les choses s'arrangent? Hein? À force, dans une salle d'Atlante. C'est ça, même chose. Alors, êtes-vous dans l'Atlante que les choses changent, que les choses s'arrangent? C'est une légende. Combien d'êtres humains, à un moment donné, ont commencé à renaître avec la légende? Les ovnis, c'est des légendes. C'est quoi un ovni? Un objet volant non identifié. Les ovnis. Mais non, c'est pas des légendes. Chaque fois que je vois une affaire, même un oiseau, tant que je l'ai pas identifié, c'est un ovni. Un ovni, c'est un objet posé non identifié. Tu sais, c'est l'oiseau qui est arrêté, il est pas côté. Les ovnis, c'est des réalités. soucoupes volantes, les aéronefs, les vaisseaux extraterrestres. C'est plus des ovnis. Ils sont identifiés. Ils sont identifiés, oui, c'est vrai. Il y a de la légende, Ézéchiel, le songe d'Ézéchiel. Et si on dessine ce qu'il lui décrit, ça ressemble étrangement à un aéronef. Bon, le songe d'Ézéchiel, Élie, transportation, transmutation, Marie qui rencontre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Là? Ben, elle a eu un enfant. Oui, je sais, mais pas avec un aéronef. Tout est possible. Quand j'étais dans la jungle du Guatemala, j'ai monté sur une montagne que je savais une pyramide. De l'autre côté, j'ai constaté qu'il y avait des marches pour descendre. C'est pratique, ces montagnes-là. Alors, c'est donc une pyramide maya. Alors, j'ai descendu les marches. Et puis, un peu plus loin, on arrive à travers la Moussaille. Et là, il y a un mur de pierre. La porte, c'est une forme de triangle sur un carré. C'est une porte. Et l'enceinte, il est carré. Première chose que je vois, c'est la porte. J'étais devant. Mais je la vois ésotériquement. Quand on commence à écrire, on appose le crayon sur un papier et ça fait un point. Le chiffre 1, ésotériquement, désigne les principes actifs. C'est 1. Si on fait une barre, en l'autre, il y a deux extrémités. Le chiffre 2, suivant. On ne peut pas faire une barre sans faire un point. Principe passif, chiffre 2. Le triangle, c'est en les reliant les deux. Et on a ésotériquement considéré que c'était la résultante et en même temps l'idée. À cause du feu, qui a une forme triangulaire vers le haut. Et on dira par la suite que les quatre côtés, sur le chiffre 4, le carré, et parce qu'on considérait que la Terre, à l'époque, était créée par quatre éléments majeurs, la Terre, l'eau, l'air et le feu, on dira le carré, c'est la matière, la forme. Et un peu plus loin, on en arrive à trouver que le chiffre 7, le triangle sur le carré, l'idée qui devient matière, l'idée qui prend forme, sera symbolique de la création. Et par la suite, dans la Bible, on parlera aussi de la Terre créée en 7 jours. Et on verra plus tard qu'on aura la Svatistika tibétaine, légende sur légende. Le Nazaréen aurait apparemment été au Tibet, il aurait laissé des traces. Le chiffre 7, 4 fois, c'est la création par les 4 éléments. Adolf Hitler va prendre la croix gammée, qui est la croix Svatistika, à l'envers. Toutes les 7 sont à l'envers, donc destruction par les 4 éléments. Rudolf Steiner l'avait vu, Albert Einstein l'avait vu, et plusieurs autres sont poussés de l'Allemagne à l'époque quand ils ont vu ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en pleine forêt vierge, le Péten, la forêt vierge la plus dense au monde, on découvre des stèles mayas, et là, il y a une enceinte où on a une porte qui est un triangle sur un carré, création. Je traverse, en plein milieu, il y a une seule stèle. Sur la stèle, un peu usée par le temps, on voit quand même très, très facilement. Il suffit de barbouiller avec de la boue pour refaire ressortir le dessin. C'est un personnage qui tient 2 manettes. Il y a un réacteur dorsal dans le dos. Ses pieds sont à peu près à 6 pouces du sol, puis il tient les airs. C'est Maya. C'est un prêtre Maya. Qui vole. Je ne sais pas si c'est une stèle ou si c'est un policier, mais en tout cas, lui, il volait. Et on se rend compte qu'il y a des trucs bizarres comme ça. Si on parle de légende, la légende atlantéenne qui fait subitement la légende, va faire dire à plusieurs intuitivement que c'est peut-être vrai l'Atlantide. Peut-être que je suis atlantéen après tout. Et là, immédiatement, les sens et tout le phénomène vont venir nous dire « Voyons, là, je suis atlantéen. » Ou encore « Gallo, Ticlin, l'extra pour elle. » Toutes les légendes sont basées sur de l'historicité occulte, c'est-à-dire, encore une fois, c'est l'accomplissement ou l'explication de ce qui a permis l'accomplissement dans la matière de certaines choses. Quand on en arrive aujourd'hui où on a les chevaliers de la table ronde, peut-être qu'ils s'incarnent. On a peut-être des Britanniques qui s'incarnent, pas nécessairement en Angleterre. On a peut-être des personnages qui ont vécu à l'époque du Nazaréen, des personnages qui ont vécu à l'époque de Roland, des personnages qui ont vécu à l'époque de Quetzalcoatl, des personnages qui ont vécu à l'époque de Zarathustra, de Rama, de paquet d'autres. On est dans une région temporelle où la majorité des personnages vont se réincarner, donc où une grande partie de l'histoire va revenir. Les prophéties l'annoncent, des légendes de l'avenir, et nécessairement, on est proche d'un temps où il peut y avoir de la résurrection. Est-ce que ces réincarnations de mémoire-là vont reprovoquer les mêmes événements? Non. C'est parce que l'histoire a tendance à se répéter. L'histoire n'a pas tendance à se répéter. Elle se répète. Elle se répète. traversée. Donc, est-ce qu'elle va se répéter encore? C'est l'avenir qu'on va faire, pas l'histoire. Pour certains, ça va se répéter, pour d'autres, non. Ceux qui se reconnaissent comme étant, disons, qu'il y en a... Probablement que pour eux, ça ne se répétera pas. Et ceux qui ne se reconnaissent pas, probablement que ça va se répéter. Ne sachant pas qu'est-ce qui sous-tend nos problèmes, on continue à les énergiser. Les légendes d'Amérindiens me semblent différentes de toutes les légendes desquelles on parle depuis le début. C'est parce que tu ne connais pas toutes les légendes. C'est une bonne raison. Mais les légendes amérindiennes ne font pas référence à des êtres... Il me semble qu'ils sont moins réels, mais ça, c'est ma façon de le percevoir. Il me semble plus faire affaire à des animaux, mélange d'hommes et de dieux et d'animaux aussi. Et bon, une légende par rapport aux légendes qu'on a comme Arthur, Lancelot et tout ça. Oui, c'est parce que nous, on a plus probablement de réincarnation de ces continents. Donc, on vibre moins les légendes directes ici. Mais prenons l'exemple qu'un jour, un Indien s'en va dans la forêt et il prie, alors il transpire, il jeûne, et à un moment donné, il a un songe. Bon, c'est pourquoi que quand on leur a fourni l'alcool, ils ont tout bu, parce qu'il y avait des songes rapidement. Et c'est pourquoi ils se sont fait avoir. C'était religieux, le songe. Ils communiquaient. Ils avaient un totem, un animal, un orignal, un ours, un sphinx, n'importe quoi. Bon, ils avaient un totem. Mais à un moment donné, notre Indien, au tout début de l'humain n'existait pas. L'Indien était un animal, parce qu'en passant, Iroquois, ça veut dire homme debout. Bon, Inuit veut dire l'homme qui se tient debout. Algonquin veut dire homme debout. Comanche, même chose. Apache, même chose. Et l'enfant qui vient au monde jusqu'à l'adolescence est un animal. À l'adolescence, il est initié et là, on voit s'il peut devenir un homme et là, on lui redonne un nouveau totem. Après l'homme, il y a chasseur. Après chasseur, il y a guerrier. Et évidemment, ça ne s'adresse qu'aux mâles. Ça a toujours été comme ça sur la planète Terre, jusqu'à maintenant où il y a des tendances à ce que l'homme devienne intelligent et la femme aussi. Donc, il y a une forme d'androgynie au niveau d'intelligence. Mais tant que ça se passe au niveau des archétypes, bien nécessairement, c'est différent. Alors, notre personnage, l'humain n'existe pas encore, il n'y a pas d'homme, il s'en va. Et l'animal, subitement, commence à regarder le ciel, il regarde le soleil, il prie le soleil, et il aimerait être en contact avec le soleil, il aimerait pouvoir toucher le soleil, il aimerait pouvoir se nourrir du soleil. Et subitement, le soleil finit par se détacher totalement. Et il s'en va et il illumine tout le ciel. Alors, l'Indien voit maintenant des étoiles. Comprenons que la conscience de l'Indien a subitement découvert qu'il y avait des étoiles, alors qu'il voyait avant sans les voir. Mais là, l'Indien reprit encore. Il aimerait toucher une étoile. Il aimerait que l'étoile soit plus près de lui. Et là, le dieu machin va détacher une étoile, la lancer sur la terre. Et elle va arriver, elle va se rentrer dans le sol, et là, il y a un arbre qui va pousser là. L'Indien attend, l'arbre va grandir, et l'arbre va donner des fruits. Alors, l'Indien détache une pomme, et il va par hasard la couper en deux, vous pouvez faire l'expérience, et vous allez voir une belle étoile à cinq branches, plantée en plein cœur de la pomme. Sur la coupe, sur le travers, avec la pinouche en haut. Il y a une étoile. Alors, l'Indien, maintenant, sait que la pomme est un fruit merveilleux, que la pomme est extraordinaire et que la pomme a permis le contact entre Dieu et l'homme. Allons voir Adam et Ève. C'est ça que j'allais dire, là. Ça a causé des problèmes, mais puisque ça, une pomme déjà. Hein? Et des jardins. C'est ça. Allons voir Adam et Ève, et là, Dieu a planté un maudit pommier en plein milieu du jardin, puis il a dit, si vous touchez à ça, devenez comme moi, touchez-y pas. Tout le monde pensait à l'époque que Dieu, c'est ce qu'il y avait de mieux. Fait que nécessairement, ils ont touché la pomme. Ils ont mangé une pomme. Ils ont fait la voix. Un autre personnage disait un jour, celui qui mange une pomme par jour, éloigne les médecins pour toujours. Et c'était peut-être les vendeurs de pommes. Je chantais la pomme au client. Mais peut-être aussi que la pomme, c'est bon pour la santé. Alors, on parle de légendes amérindiennes. On parle de légendes bibliques. Maudit qu'ils sont pareils. Semblables. La pomme, c'est un danger public. La planète est d'accord. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on veut dire par là que qu'une mécanique extraterrestre a amené le pommier? On sait que le maïs ne se trouve pas à l'état natif sur la planète Terre. On sait que le blé non plus. Le riz, oui. On sait qu'il y a différentes choses comme ça qui ne se trouvent pas. Comment tu peux dire que tu ne trouves pas le blé et le maïs, on en trouve? Non, il y a Faut le cultiver sans faute? C'est pas qu'il faut cultiver sans faute, c'est que ce que tu as trouvé comme maïs sauvage, c'est le même maïs que le maïs qu'il cultivait à l'époque. Il a été amélioré par la génétique, mais on ne découvre pas, par exemple, la plante qui, à l'époque préhistorique ou historique, a été découverte et a été apprivoisée par l'homme pour finalement devenir de la culture. Il y a certaines plantes qui ont été la base alimentaire des grandes humanités, et ces plantes-là ne se trouvent pas à l'état natif, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas des vestiges archéologiques de ces plantes-là. Il n'y en avait pas sur la planète, et paf, il y en a. Et il y en a quand l'humain la cultive. Donc, c'est ce qui va faire dire à certains historiens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des sciences ou il y a des civilisations particulières, extraterrestres, ce que l'on voudra, qui sont arrivés avec des technologies, selon la légende, et qu'ils ont donné cela. Et ils ont instruit certains personnages, certaines humanités à s'en servir, et ces humanités vont devenir extrêmement grandioses. Si on regarde, par exemple, l'écus. Bon, on regarde les vestiges. En Amérique, on a des vestiges d'un petit chien avec cinq doigts qui, progressivement, à travers le temps, finit par se dresser sur ses doigts. Et à un moment donné, le pouce disparaît, certains doigts disparaissent, et là, il commence à se faire des sabots. Sabots qui sont divisés en deux. Bon. Et à un moment donné, plus rien en Amérique. C'est fini. L'animal s'est éteint. Un jour, les Espagnols arrivent avec le cheval. Et par la suite, historiquement, parce qu'on peut voyager de continent à l'autre, on se rend compte que notre écus, ici, disparaît totalement et apparaît en Europe. Et en Europe, il devient le cheval, et les Espagnols le ramènent ici. Uniquement, on peut considérer, par contre, uniquement pour tromper les Incas. Les Incas, eux, ont entendu parler du cheval. Comment? Ils attendent le dieu. Le dieu sera un être blanc qui montera un animal à quatre pattes. Qu'eux ne connaissent pas, mais que la légende prévoit, la prophétie. Quand les Incas arrivent, les Espagnols arrivent, sont des blancs, eux sont bruns, et ils montent le cheval tant attendu. On a plein de choses comme ça. On a, par exemple, en Afrique, les hommes jaguars, les hommes tigres. On a, en Amérique, le jaguar, on a aussi les légendes des hommes jaguars. On a partout sur la planète, tu as les légendes à partir des hommes loups, des hommes jaguars, des hommes tigres, des hommes léopards, sont les plus connus dans une partie de l'Afrique. Partout! Les superstitions que l'on a ici, que les Mayas avaient, les peurs que les Mayas avaient, sont les peurs que les Sumériens avaient. Même chose. On parle dans la légende Maya de déluge. Et on parle dans la légende américaine d'une arche qui vient s'échouer sur les terres de feu. Et de là va descendre des personnages qui vont tout changer dans la spiritualité. Et on parle même dans la légende amérindienne d'un personnage mythique extraordinaire qui, à un moment donné, est apparu trois jours. Ici, apparu comme ça, il marchait dans les airs, il traversait l'eau, il a guéri énormément de gens. Il a disparu trois jours après. Par la suite, on va trouver des tables d'or, des plaquettes, sous lesquelles il y a des écritures, et un bonhomme, à un moment donné, qui va apparemment les traduire sous l'aide de Dieu, il va parler de Moroni. Et on aura la religion mormone. Mais le Nazaréen est disparu trois jours avant de revenir. Et au niveau de certaines légendes amérindiennes, on parle d'un personnage extraordinaire qui est venu. On parle d'extraterrestres, on parle du Titi Kaka, j'en ai déjà parlé. Titi est une déesse. Kaka veut dire excrément dans la majorité des langues. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est passé là, puis qui a fait une crotte. C'est arrivé dans le lac, et de la crotte est sortie une femme. Une autre version de la femme. Bon. Mais là, c'était la déesse Titi qui venait quoi? Est-ce que c'était une navette? Le salon de la femme cette semaine. Une navette qui est sortie d'un vaisseau spatial, et ça l'a amené une déesse ici, Titi Kaka. Plein, les gens sont très proches, se coupent les unes les autres. L'humain, il y a la science. La science, c'est intéressant. La science, ça permet souvent de démolir les théories scientifiques pour accepter les théories mythiques. Est-ce que les légendes vont toujours rester des légendes ou si le jour où les gens vont être capables de supporter la vérité qui est sous-jacente à la légende va disparaître? Lorsqu'il y aura la résurrection des personnages du passé, les légendes vont disparaître parce que la légende sera totalement vivante. Autrement dit, à un moment donné, bien, tout ce qui, c'est sûr qu'on ne pourra pas dire, bon, Lancelot n'arrivera pas sur l'armure. C'est évolué, là, cela. Vous savez qu'à l'époque, les chevaliers, quand ils avaient envie d'uriner, puis c'est dans leur armure. C'était pas plutôt de ça. Alors, c'était pas propre, propre. Bon, je ne comprends pas ce que les femmes faisaient. Mais n'empêche. C'était pas. C'était, tu sais, il y en a qui rêvent de vivre dans les châteaux du Moyen Âge. C'est parce que vous avez perdu la mémoire. Sinon, là. Ah, bien aménagé avec l'électricité et le confort aujourd'hui, avec le sport, le bétourbillon. Et oui, ça va. Ça va. À l'époque, c'était humide. Les rhumatistes en avaient ça en bas âge. Puis ça sentait pas. En tout cas, ça sentait de la rose qui n'avait pas été arrosée depuis longtemps. Ça te rappelle les souvenirs? Non, j'ai. J'avais le nez bouché dans ce temps-là. Quand Lancelot va renaître ou revivre totalement, ou Arthur ou Merlin. Merlin, non, mais les autres. Oui, Merlin va revenir. Mais pas de la même façon. Non. À ce moment-là, la légende va disparaître, parce que ça veut dire qu'elle va arrêter de se communiquer de génération en génération? Non, c'est que les gens vont savoir que ce n'était pas une légende. Alors, on parlait d'histoire. Mais l'histoire, est-ce que l'histoire, ça se contredit? Une légende, ça se contredit difficilement? Non, l'histoire ne se contredit pas. Les historiens se contredisent. Et c'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est pas la même chose. Moi, je parle de la vraie histoire. Mais ça, la vraie histoire, il peut y avoir 52 versions de la vraie histoire. Oui. Selon l'historien qui l'a écrit, il parle toujours de ça. Je ne parle pas des versions, je parle de l'histoire. Est-ce qu'il va y avoir 52 versions des légendes ensuite? Là, il y en a une. Si on prend une version d'une légende, les c'est toujours la même. Il y en a une seule. Les Allemands ont essayé de voler la table ronde. Wagner a fait tout un opéra complet sur l'épopée de Percival, qui est Perceval. Bon, mais même là, les deux s'entendent énormément. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on se dit, ah, c'était un teuton, c'était pas un anglais. T'sais. Bon, c'est pas un teuton, mais c'était un arien, c'était un allemand, c'était un germain, c'était pas un anglais. Mais ça, on s'en fout, ça, là. Mais la légende reste la même. Les légendes ont toujours été les mêmes choses, comptées de bouche à oreille de la même façon, avec des petits ingrédients colorés. Bon, il s'est levé à 10 heures, l'autre il s'est levé à 9 heures, mais finalement, l'important c'est qu'il se soit levé. Bon. Et à un moment donné, les personnages légendaires vont être là, et on ne parlera pas de légende, on parlera plutôt de faits réincarnationnels. Ce sera la résurrection des morts. Tu sais, quand je disais de temps en temps qu'il faut à un moment donné confronter certaines choses mathématiques, quand on parle de résurrection, il y aura 144 853 élus. Bon. Il y aura 144 000 élus, et Dieu a fait en sorte que les bons vont vivre une résurrection, les autres seront condamnés. On est présentement au-dessus de 5 milliards d'humains. Mais si on retourne, il y a 200 ans, il y en avait 3 milliards. Ça fait donc 8 milliards d'humains. Puis si on retourne jusqu'à l'époque préhistorique, qu'on additionne tous les humains qui ont vécu là, si on exclut la réincarnation, ça en fait des milliards et des milliards d'humains. 144 000 élus là-dessus. Tabarouette, Dieu, il en a créé des humains pour rien. Les autres, c'était des erreurs. Ça. Sauf que tous les humains sont inclus dans les 144 000 élus. Mais par le processus de réincarnation, l'humain a vécu plusieurs fois. Et comme j'explique au niveau du séminaire, c'est que présentement, vous êtes là. Quand vous allez mourir, si vous mourrez, l'humain est toujours convaincu que la mort est inéluctable. C'est pas garanti. Probable. Il y a des chances, mais ça. Diront certains personnages. Oui. Ce n'est pas garanti. Et en plus, il y a deux morts. C'est plus sûr que de gagner à la loterie. Ouais. Pas avec l'auto-Québec. Mathématiquement. Pas avec l'auto-Québec. Puis les mathématiques, hein, c'est une légende des mathématiques. Parce que c'est tout faux, les mathématiques. Il n'y a rien de pire que des mathématiques. C'est con, les mathématiques. Tu sais, je te rappelle l'histoire des trois gars qui vont à l'hôtel? Oui. Bon. Alors, les mathématiques, c'est idiot, les mathématiques. C'est une légende, les mathématiques. Je vais vous conter la légende, justement. Il y a trois gars qui rentrent à l'hôtel et qui payent 10 $ chacun pour leur chambre d'hôtel parce que ça coûte 30 $ pour une chambre. Alors, les trois, ça vont coucher dans la même chambre. Le patron, il se dit, crime, sont trois dans la même chambre, 30 $, c'est bien trop. Hein? On va leur remettre 5 $. Fait qu'il va voir le gars de l'ascenseur, il dit, tiens, il donne 5 une pièce, 5 $, il dit, remets ça au gars des chambres. 25 $, c'est assez de l'hôtel. Alors, remets leur ça. Le gars, il monte dans l'ascenseur, puis là, il dit, crime, 5 $ sont trois. On peut pas le remettre. On va garder 2 $ de type, on va leur remettre chacun une pièce. Bien correct. Il arrive dans la chambre, donne une pièce chacun au gars. Donc, les gars qui ont payé chacun 10 $, qui se sont vus remettre une pièce, ont payé chacun 9 $. 3 fois 9, ça fait quoi? 27. Plus les 2 $ du gars. 29. Manque une pièce. C'est la taxe. cherchez-la la pièce, elle n'existe plus la pièce. Et refaites-le le mathématiquement. Non, si vous décidez de partir avec la 30 pièces, on peut ajuster les mathématiques. C'est pour ça que souvent la science calcule les comptes. On est à côté du chemin. Et là, il manque une pièce, elle existe dans un monde parallèle. Mais elle existe la pièce. C'est pour payer le café que vous allez prendre pendant la pause. Comptez-la, il manque une pièce. Les jambes, ben oui. Vous avez des questions sur le sujet, sur n'importe quel sujet, il va les poser. À tantôt.